Brise marine. L'hiver a défleuri la lande et le courtis. Tout est mort. Sur la roche uniformément grise, où la lame sans fin de l'Atlantique brise, le pétale fané pend au dernier pistil. Et pourtant, je ne sais quel arôme subtil, exhalé de la mer jusqu'à moi par la brise, d'un effluve si tiède emplit mon cœur qu'il grise. Ce souffle étrangement parfumé, d'où vient-il? Ah, je le reconnais. C'est de 3000 lieues qu'il vient, de l'ouest, là-bas où les Antilles bleues se pâment sous l'ardeur de l'astre occidental. Et j'ai, de ce récif battu de flots chimériques, respiré dans le vent qu'embauma l'air natal, la fleur jadis éclose au jardin d'Amérique.